croiser ce piéton, je dois respecter un intervalle latéral minimum de 2 mètres, réponse A, 1 m50, réponse B, 1 mètre, réponse C, 0 m50, réponse D.